إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله الحمد لله، on s'est approché de la fin du livre qui sera nous allons bientôt achever. طيب نواصل الآن. قال في المسألة الثانية عشر في المسألة الثانية عشر بعد المئة تفضيلهم الكفر على الإيمان. Donc maintenant la 112e masala qui est qu'il préfère le kufr sur l'iman. فقال في المتن تفضيل دين المشركين على المسلمين. Qui préfère la religion des mushrikin sur celle des musulmans. فقال في شرح شرح فوزان كما حدث من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة. Donc là il dit c'est comme ce qui est arrivé au Yahoud dans la masala précédente. Vous rappelez qui était Al-Iman bil Batil, qui croit au faux. Comment? Du fait qu'ils ont préféré et fait devancer la religion des mushrikines à celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs à la fin du verset, لأن الآيات هي ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas vu à ceux qui ont eu une part du livre et qui croient au djibt ou au tarot, c'est-à-dire sans salari ou shayatin ou tarot, et ils disent à ceux qui ont mécru, ceux-là sont de meilleures voix que ceux qui ont cru. Ça veut dire que la voix des mouchriquines, pour eux, ils l'ont jugée comme étant meilleure que celle des mouminines. Et nous avons dit que même si ils n'ont pas cela comme croyance au fond de leur cœur, le fait qu'ils l'aient dit et qu'ils l'aient agréé de par leurs actes, sans contrainte, cela amène à ce que le jugement soit établi sur eux. Donc ça revient à cette masala, qu'il y a des gens qui voient que les religions sont égales. يعني les religions célestes. Al-Kitab wal-Muslimun ou Mishayun Wahid. Qui veut rapprocher entre les trois religions, entre l'islam, entre le judaïsme et le christianisme. Et ils disent, nous devons être frères, tous, nous sommes des ashab, et nous devons nous entraider entre nous. Et هذا هذا الكلام قد سمعناه من الإخوان المسلمين في فرنسا, l'UOUF. Ils ont un kalam, il y a un approximatif à cela, qu'ils appellent les juifs et les chrétiens comme étant leurs frères. فهذا القول كفر لأن محبة الكفار لا سيما لدينهم على مما ينقض الإسلام. Le fait d'aimer les kuffars, de s'allier surtout pour leur religion, cela est une chose qui annule l'islam. والعياذ بالله. Donc également c'est parmi les masses de la jahiliya. طيب ثم قال في المسألة الثالثة عشر بعد المئة خرط الحق خرط الحق بالباطل ليقبل الباطل. Donc qui est la 113e mas'ala, qu'il mélange la vérité au faux pour que le faux soit accepté. قال لبس الحق بالباطل. طيب qu'il recouvre la vérité par le faux ou l'inverse. قال في شرح من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم لبس الحق بالباطل واللبس والخرط. Donc parmi leurs coutumes des gens de la Jahiliya, des Kuffars, des Yahoud et des Nasara et autres, c'est qu'ils mélangent la vérité au faux. Ils recouvrent le faux par des choses véridiques. لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد ولكن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصي النظر يقبلونه. Donc il dit qu'il mélange le vrai au faux en vue de pouvoir justement insérer le faux. Leur but, c'est d'arriver au faux. Car si le faux venait tout seul, clairement, personne ne l'accepterait. Mais en le recouvrant avec du vrai, alors les gens qui se font facilement duper, ou ceux qui n'ont pas une vision lointaine parmi les gens de la foi, ils accepteraient. Donc ils disent, regardez, on vous dit telle et telle et telle chose, et les gens, quand ils voient le haq, disent, ah bah oui, c'est la vérité, après ils l'acceptent. Et ils oublient tout le faux qu'il y a. هذا طريقة الكهان. Comme ils font les kuhan, lorsque ils prennent les akhbar des shayatines depuis le ciel. Que les shayatines se mettent les uns sur les autres pour voler les akhbar qui viennent. À tel point qu'après, il y a un khabar qui parfois arrive à parvenir sur Terre. Des choses de l'invisible, du futur. Quand même, et si jamais ils n'y arrivent pas, ils se font frapper par des météores, par des shihab. Mais parfois, il y a l'information que Allah a voulu qu'ils parviennent sur Terre pour éprouver les gens. Que le kahin, le devin ou quoi, il apprend de ces shayatin. Et après, il y mélange sans mensonge. Et les gens, sur tout cela, ne voient que la parole véridique qu'il a eue. Et ils en oublient tout le reste. Ils en oublient tout le reste. Donc ça, c'est un min hadha al-bab. Et que, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala mette une parole véridique, mélangée au faux, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour éprouver les gens, savoir qui va chercher. Comme le chien va le dire par la suite. Donc il dit, walakin zekabeluhu kullahu fahadha wal khata. C'est-à-dire que si les gens acceptent tout, en bloc, cela est l'erreur. Normalement, ils doivent apprendre à distinguer le vrai du faux, accepter le vrai et rejeter le faux. Et ça, il dit, ma yasluh illa li ahli an-nazar wa ahli al-uqul as-salima. Li'annahum la yaqbaluna al-ashya' ala awahinha, bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha fayaqbaluna ma kana fiha min haqqin wa yarduna ma kana fiha min batil. Donc ça, ce genre justement d'analyse ne provient que des gens qui ont une raison saine, quand même, et les gens qui ont une bonne réflexion. Les gens qui sont prudents. Car ils n'acceptent pas les choses comme ça en bloc dans leur apparence. Mais ils les analysent. Ils apprennent à distinguer. Quand même, et ils testent les choses. Et ils acceptent ce qui est vrai et rejettent ce qui est faux. C'est comme toi demain, quand tu vas, par exemple, trier des choses qui sont mauvaises. Tu vas prendre ce qui t'intéresse et rejeter ce que tu ne veux pas. Comme par exemple des fois, ce qu'on appelle avec un tamis, pour pouvoir trier les choses. Par exemple, tu as de la farine et dedans, tu as des choses qui sont mauvaises. Des graines ou même des insectes. La farine, tu la prends, tu la mets dans le tamis, elle filtre, la bonne farine tombe et le reste reste à la surface et tu le jettes. C'est pareil. Ce n'est pas tout ce qui vient, on accepte. Donc il dit, « El kuffar kod yaskurun el haq » لا رغبة في الحق ولا محبة له وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به فالواجب التنبيه على هذا الأمر وهو تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها لما يظهر فيها من بريق الحق حتى تختبر وتمحص ويؤخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من الباطل. Donc qu'est-ce qu'il faut, c'est que les kuffars justement des fois ils citent des choses vraies non pas par amour pour la vérité, mais juste afin de pouvoir y insérer le faux et pouvoir attirer les gens vers eux. Donc l'obligation, c'est d'être attentif dans cette chose-là, de distinguer entre les choses, ne pas se précipiter dans l'acceptation de tout ce qui vient, qui apparaît comme étant une vérité. Mais il faut tester, il faut analyser. Et ce qui est véridique, on le prend, le reste, on le rejette. Et ça, comme il le dit, seuls les gens de science sont aptes à agir dans la sorte dans beaucoup de situations. Les gens de science, ou les gens de la clairvoyance, ou les gens qui sont prudents. Quant aux awam ou juhel, et ceux qui ne voient pas loin, eux, ils se font avoir. Donc il dit, l'obligation de ces gens-là, c'est de revenir aux gens de science, et aux gens de la clairvoyance, et aux gens qui sont attentifs dans un de situations, et ne pas accepter tout. C'est le cas, par exemple, lorsque tout ce qui se passe comme attentat, Massalène, en France, ou dans le monde entier, fait soi-disant au nom des musulmans. Les gens se précipitent à commencer à condamner les gens de l'islam qui auraient fait cela, soi-disant. Ils se précipitent tout de suite à croire ce qu'on leur dit. On leur dit c'est un terroriste qui a fait cela. Oh, ils croient tout de suite. On leur dit c'est Foulen qui a fait cela. Ils croient tout de suite. On leur dit vous précipitez pas. Ça se trouve, ce n'est même pas ces gens-là qui ont fait ça. Parce qu'il y a un complot derrière. Car qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous prendre des gens qui ont ce genre de afkar, ce genre d'idées préconçues, comme les Daesh ou le Qaïda. Ils vont mettre des vidéos qui vous montrent que ces gens-là sont en train d'égorger des gens, en train de faire des actes abominables. Et après, ils font ces actes en France, ce sont eux qui ont fait ça. Donc ils prennent du vrai, car on a vraiment des gens comme le Qaïda qui font des actes comme cela, ça existe. Ils vous prennent ces gens-là, quand même, ils vous font comme une forme de lavage de cerveau pour vous mettre en tête que tout attentat au nom de l'islam est forcément fait par des gens comme ça, des barbus qui s'appellent Qaïda ou Daesh, qui se disent salafis. Après, ils mettent ça dans la tête des gens. Et une fois que les gens sont endoctrinés, ils font leurs actes au sein de leur pays, parce qu'ils ont un but derrière, et les gens, ils acceptent tout de suite, surtout les musulmans. Ils voient l'attentat tout de suite, ils sortent dans la rue, nous on condamne cet acte, nous on n'est pas avec eux, nous on vous aime, nous on aime la France, et nous ceci, nous cela. Ils sont fait avoir. Tamam. Hak, il y a des khawarij en islam, c'est vrai. Mais est-ce que tout ce qui se passe vient forcément de ces gens-là? Où il n'y a pas derrière un complot, un makr, pour pouvoir détourner les gens de la vérité? Faut pas se précipiter, il faut revenir au ulama par rapport à ça. Donc, hada wa. ثم قال المسألة الرابعة عشرة بعد المئة 114e مسألة قال كتمان الحق مع العلم به qu'il cache la vérité et qu'il la connaisse. Il cache la vérité et il la connaisse. قال في الشرح من مسائل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من طوائف من توائف الكفر كتمان الحق مع العلم به وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر. Donc parmi ces masailles de la jahiliya justement, que chez les kuffar, de façon générale, ils cachent la vérité, tout en la connaissant. Et ça c'est beaucoup plus fréquent chez les gens du livre, parmi les yahoud et les nasara, et surtout les yahoud, qui sont connus pour cela, comme cela est déjà vu dans notre hadith qu'on a pris précédemment. Qui cachent les versets, cachent la vérité, pour pouvoir égarer les gens. Et les Yahoud et les Nasara sont plus aptes à faire cela, car eux, ils ont des livres avec des faits réels et véridiques qui restent, et pour empêcher d'arriver à l'islam, ils sont obligés de les cacher. Sinon, les gens diraient, mais ce que vous dites là, dans l'islam, c'est présent, ça s'est passé. Si jamais ils lisaient les livres tels qu'ils sont, ils n'avaient pas été altérés, et que les gens étaient sincères, ils seraient aujourd'hui arrivés à l'islam. Mais ils le cachent, pour pas que les gens puissent y parvenir. Donc ils le cachent et ne le démontrent pas aux gens. Et comme il dit, أعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وعلموا صحة رسالته وما جاء به ومع هذا كتموا ذلك وأنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى عنهم في مواضيع من القرآن. Donc il dit, parmi les plus grandes choses qu'il cache, justement, par exemple, ce sont les descriptions de Mohammed صلى الله عليه وسلم qui sont présentes dans la Torah et dans l'Injil et qu'ils ont su que son message était véridique. Mais pour ne pas que les gens puissent y parvenir, ils l'ont caché. Ils ont refusé cette risala. Comme a dit Ta'ala, fi kitabihi, allazina atainahumul kitab, ya'lifunahu, kama ya'lifuna abna'ahum, minna fariqan minhum la yaktumuna al-haq, wa hum ya'lamuna al-haq min rabbik, fala takunanna min mumtarin. Donc dans le Coran, Allah, il en a parlé plusieurs fois. Parmi ces versets, il dit, ceux à qui nous avons passé le livre, et qui l'ont connu, comme ils ont connu leur fils, et parmi eux, un groupe qui cache la vérité alors qu'ils savent parfaitement. Le haq qui provient de ton Seigneur. Donc, ils cachent la vérité. Délibérément, pour égarer les gens. Donc, il dit par rapport à cela, les musulmans qui, eux, aujourd'hui, cachent des vérités aux gens, délibérément, pour ne pas qu'ils arrivent à la vérité, quand même, on nous ressemble à ces gens-là. Avec les Yahoud et les Nassar, comme a dit Ta'ala, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. Il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de ceux qui ont eu le livre, que vous allez le déclarer aux gens et vous n'allez pas le cacher. Ils l'ont laissé derrière leur dos, tout cela, et ont acheté avec un vil prix. Ils ont vendu cette vérité. Et ça, on le trouve chez les musulmans. Des gens qui cachent la vérité. Pour obtenir des mensobamoun ou pour pouvoir obtenir l'agrément des gens. Il dit, ceux qui ont agi de la sorte, qui ont caché la vérité, quand même, il dit, شرط في قبول توبتهم البيان لما كتموه فلا تكفي التوبة المجملة لكن لابد من البيان فيجب على من علم الحق أن يبينه للناس. Donc il dit, la توبة, quand ces gens-là font توبة, de ce qu'ils ont fait, ils sont obligés de déclarer ce qu'ils ont caché. Il ne suffit pas de dire « je fais Toba » et après ils s'arrêtent là. Non, il faut qu'ils fassent une déclaration et qu'ils proclament, car il est obligatoire que les gens sachent la vérité. Demain, tu vas cacher une vérité, après tu t'en repens. Tu dis, je me repens d'en cacher la vérité. Mais quelle est cette vérité? Qu'est-ce que tu as caché? Dis-le-nous. On veut savoir. Car les gens resteront toujours dans le brouillard. Ils diront, c'est bien, tu t'es repenti, mais on ne sait pas ce que tu nous as caché. Donc là, parmi ces shurut, pas mal, de le déclarer aux gens. Et il dit, ou achad min kitman al-shahada kitman al-ilm. Allazi huwa hayatun nas wa hidayatuhum ila sirat al-mustaqim. Et la plus grande chose cachée par les gens, la plus dangereuse. Vous voyez, ce qu'il y a de plus grave à cacher aux gens, c'est la science. Car la science, c'est la vie des gens. C'est leur guider sur le chemin droit. Cacher la science aux gens est la pire des choses à faire. Donc ça, c'était la mas'ala, que ces gens-là cachent la vérité en toute connaissance de cause. Ils savent la vérité, ils la cachent pour pas que les gens la connaissent. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة بعد المئة القول على الله بغير علم. Donc qui est la 115e mas'ala, qu'il parle sur Allah sans science. قال قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم, qui est la règle de l'égarement, qui est le fait de parler sur Allah sans science. Et elle ressemble à d'autres mas'alas qui sont déjà passées. قال الشيخ الفوزان في شرح قاعدة الضلال أي أصل ضلال العالم ومنشؤه القول على الله بعلم والقول طيب. Il dit donc la règle de base de l'égarement de façon générale. Tamam. Il dit القول على الله بالعلم أعظم من الشرك. Il dit que le fait de parler sur Allah sans science est pire que le shirk. Et après c'est à le verset. كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah dans le sens il dit que mon Seigneur a seulement interdit ou rendu illicite les turpitudes, ce qui en est apparent et caché, et le péché et l'injustice sans droit, et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc il a dit, ça c'est ma salam, on a déjà pris, mais alhamdulillah, on s'en rappelle, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis le fait de parler sur lui sans science comme venant après le shirk. Car on l'a expliqué, comme l'a dit Ibn Qayyim, le shirk n'est pas venu si ce n'est par ce chemin-là, le fait de parler sur Allah sans science. Et les bid'a, et les dhalal, les khurafat, et les zalika, toutes ces choses-là qui obstruent du sentier d'Allah et qui cachent la vérité, sont venues par là, du fait de parler sur Allah sans science. Donc il dit, il n'est permis à personne de parler sur Allah sans science. En disant, mais salen, inna Allah harrama kaza, Allah a rendu cela illicite, inna Allah abaha kaza. Ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est makrouh, ça c'est mustahab sans preuve véridique, ce n'est pas permis. Et ça amène à parler sur Allah sans science. Donc il dit pareillement, celui qui fait des fatawas sans science, ça c'est extrêmement dangereux, car ça rentre dans le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas permis de parler sur Allah sans science. Et quand on dit parler sur Allah sans science, de parler sur sa religion sans science, billah ilm. Il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est soumis à un shay, lam yanzil alayhi fihi wahi yu'ajjal l'ijaba hatta yanzil alayhi al-wahi min Allah azza wa jal. Fa kayfa bi ghayrihi? Il dit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé sur une chose dont il n'avait pas encore reçu la révélation, il ne parlait pas jusqu'à ce que la réponse lui vienne par la révélation. Alors que dire d'autre que lui? Il dit qu'à le alim, donc il dit que le savant, il y a des choses qui lui échappent, il ne connaît pas tout. Et quand il ne connaît pas une chose, et que celle-ci ne lui est pas claire, et qu'il n'a pas de dalil, kitab wa sunna, alors il dit ma adri. Et cela ne réduit en rien de son rang. Beb, haza, tawazur. C'est de la modestie de sa part. Il dit je ne sais pas. Car le savant, il ne connaît pas tout. C'est un être humain avec ses limites. Wa kama qala ta'ala, wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Et nous avons donné que peu de science. Comme a dit le mashayikh, « Jahluna aksar min ilmina » Notre ignorance est plus grande que notre science, même pour un savant. Ce qu'il ne sait pas est bien plus grand que ce qu'il sait. Et dire cela n'est pas un tordre dans sa personne, pas du tout. C'est une réalité, c'est un être humain. Mais il sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il sache. Et il citait l'histoire justement de cet homme qui parta, qui fit entreprit un grand voyage pour aller voir l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, pour l'interroger sur les masa'il. Et sur beaucoup de ces masa'il, l'imam Malik lui dit ma adri, je ne sais pas. Cet homme lui a dit, comment, j'ai fait un long voyage pour venir te voir et t'interroger, tu me dis ma adri, j'ai fait un grand voyage et tu me dis je ne sais pas. L'imam Malik lui a dit, retourne dans ton pays, va voir les gens et dis-leur, l'imam Malik lui a dit ma adri, va voir les gens, dis-leur, je ne sais pas. Et ça, Adamin tawadu al-alim wa min jalalati. Que lorsqu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Et cela est noble. Alors que celui qui dit je sais ou qui répond alors qu'il ne sait pas, celui-là fait des problèmes. Et celui-là rentre justement dans ce jugement. Qala akaza alul ilm alul khashiyya min Allah azza wa jalla. C'est comme ça que sont les savants et les gens de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu as des gens aujourd'hui, des prédicateurs qui viennent, qui ont étudié que très peu, même s'ils ont étudié, et qui vont au-delà de leurs limites. Tu les vois sur Internet donner des cours et répondre à un tas de questions. Question-réponse, 2 heures question-réponse, question-réponse, question-réponse. Ils t'en sortent quoi? Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu mélanges le faux au vrai. Il va faire plein de questions, lui. Il va dire la vérité. Et dans d'autres, il va patauger, il va tomber dans la confusion et dire des erreurs. Et les gens, à cause des vraies paroles qu'il aura dit, ils vont pas faire attention aux autres. Ils vont l'appeler Shir Foulen, mais il pose des questions. Il a des tesquillas, il a ceci, il a cela. On dit, tu lui as posé 10 questions. Sur 10, il a répondu à 8 correctement. Et 9, il t'a dit 2 énormités, tu t'en es pas rendu compte. Et une seule de ces énormités-là peut te faire sortir de toute la vérité qu'il t'a dit. C'est-à-dire de la sunna. Après, ce sont des gens, quand tu les conseilles, ils n'acceptent pas. Mais quand tu dis, je vais voir les savants, et tu sortais ces 0 savants, elle a dit, je me repens, je reviens à Allah. Ils ont peur de quoi ces gens-là? De Allah? Car avant ça, tu leur donnes la preuve qu'ils ont tort, avec le dalil, ils prennent pas de toi. Ils persistent. Mais quand ils savent que le shir foulen, il va le savoir, il va parler, là, il dit, je reviens, je me réponds à Allah. Donc, de qui tu as peur? Tu as peur d'Allah ou tu as peur du savant? Car lorsque l'erreur t'a été démontrée et déclarée, tu n'as pas accepté, venant de quelqu'un qui est, à tes yeux, plus petit que toi. Mais quand on va le dire au ulama, là, tu as peur, tu reviens. Donc, de quoi tu as peur, en fait? Que le ulama te critique? Alors qu'à la base, tu aurais dû avoir depuis le début accepté. On t'a dit, cette parole-là, elle est fausse. Dans tel jugement, tu t'es trompé, tu t'es mal exprimé, tu dois revenir. Et là, il te prend un ennemi, il te fait la guerre. Et quand on dit, cher Foulen, il a dit ça sur toi, ah là, tu vois, il a peur. Donc ça, c'est un problème dans l'ikhlas. Et ces gens-là, même quand ils font tauba, leur tauba, elle est faite pourquoi? Souvent, parce qu'ils ont peur d'être dévoilés. C'est pas vraiment l'erreur qu'ils ont fait qu'ils ont peur, mais c'est qu'on dise de eux qu'il y ait une mise en garde sur eux qui se fasse par la suite. Et que les gens les délaissent. Et non pas d'avoir fait l'erreur en soi. C'est pour cela que même si demain ils reviennent et disent je me repens, ces gens-là, on pense du mal d'eux. Et qu'on se dira, ils vont recommencer. Car le fond, ils ne l'ont pas réglé. Car ils continuent toujours à parler sans science. Ils ont rectifié une erreur, mais le fond, ils le gardent, c'est qu'ils continuent à parler sans science. Et ces gens-là sont amenés au fachel. Et leur dawa est tombe. Car ce sont des gens qui rentrent dans ce qu'ils ne connaissent pas. Et souvent pourquoi? Pour pouvoir impressionner les gens. Et aussi parmi les erreurs commises par ces gens-là, c'est la faute des ignorants qui les gonflent, qui les suivent et qui les vantent. Beaucoup des erreurs commises par ces gens-là viennent à cause de leurs suiveurs, qui les appellent Shir à tout va, qui leur posent un tas de questions, voyez, qui les vantent, qui passent leur nom sur Internet, Shir il a dit, Shir il a dit, Shir il a dit, Shir il a dit. L'autre se lui monte à la tête, Shaitan il vient et le gonfle, et il croit qu'il a un niveau qui n'est pas le sien, et après, il ne craint plus Allah, il répond à toutes les questions. Donc, Ittaqullah fi anfusikum. Les suiveurs, quand vous posez des questions à des gens, faites attention à qui vous posez les questions. Et attention comment vous gonflez les gens par la suite. Cet homme-là est un prédicateur qui a certaines bases et il faut le remettre à son niveau. En le gonflant, vous êtes une cause de son égarement par la suite. Voilà, azabillah. Suma qal, donc mil bihadil mas'ala, el sadisa ashara ba'dal miya, 116e mas'ala, qui est tanaqud aqwalihim wa tadarubuha, qui sont contradictoires dans leurs paroles, et que leurs paroles se confrontent les unes aux autres. وَهَذَا مِسْ مَسْأَلَ, c'est comme la 33e mas'ala, qui est un تَنَاقُدُهُمْ فِي الْنِكَرَ وَالْكَرَارِ. C'est la même à peu près que la mas'ala, la 33e mas'ala, qui se contredisent. قَالَ التَنَاقُدُ الْوَادِحْ لِمَا كَذَّبُهُ مِنَ الْحَقِّ, كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. Donc ils sont dans la contradiction claire parce qu'ils ont démenti de la vérité, parce qu'ils ont démenti comme vérité, comme Allah dans le sens où il dit, mais plutôt ils ont démenti la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, alors ils sont aujourd'hui dans une situation confuse. Ils sont dans la confusion, car ils ont démenti la vérité. Et celui qui dément la vérité sera amené à se contredire par la suite. فَقَالَ فِي شَرْحَ الشَّرْحَ فَوْزَنَ أَتَنَاكُدُ وَتَدَارُبِ الْأَكْوَلِ واختلافها فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض وتضارب أقواله لأن الضلال يتشعب. Donc il dit la contradiction c'est le fait que les paroles s'opposent les unes aux autres et qu'elles divergent. C'est-à-dire d'une seule personne il a des paroles qui s'opposent les unes aux autres. Donc celui qui délaisse la vérité sera éprouvé par le tanaqud. Il sera éprouvé par la contradiction entre ses paroles. Un jour il va dire une parole, le lendemain il va dire le contraire. Sans s'en rendre compte. C'est pas comme un alim qui fait un call et qui par la suite revient de son call et voit qu'il y a meilleur. Non, eux, ils ont différentes paroles, quand même. Aujourd'hui, il dit une parole dans une situation, et le lendemain, il va dire une autre parole. Mais sans te dire qu'il s'est trompé dans la première ou qu'il est revenu. En fait. C'est ça le tanaqud. Ah non, celui qui dit, aujourd'hui, j'ai dit telle chose, mais aujourd'hui, mais apparu la preuve que cette parole-là n'était pas correcte, donc je reviens et je dis telle chose, ça c'est pas un tanaqud, ça c'est un taradjur. Il est revenu. C'était pas pareil. Et celui qui revient est tabayen, qu'il est revenu. Mais celui qui ne dit rien, qui continue, lui c'est mutanaqid. Il est contradictoire. Donc il dit, celui qui s'oppose à la vérité tombera dans la contradiction. Car la vérité, elle n'est qu'une. Alors que le faux, lui, il a des branches indénombrables. Indénombrables. Le faux, il est indénombrable. Alors que la vérité n'est qu'une. Comme a dit Ta'ala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَى الظَّلَلِ. Qui a dit donc au-delà de la vérité, ce n'est l'égarement. Donc il dit, tu vois les gens du faux en totale contradiction les uns contre les autres. D'avis différents. Pourquoi ? لِيَنَّ لَيْسَ عِنْدَهُ هُدَى يَسِيرُ عَلَيْهِ. Il n'a pas de guidée sur laquelle il avance. Il n'avance pas sur la guidée. إِنَّمَا يَتَخَبَّ تَارَ يَكُلْ كَذَا وَتَارَ يَكُلْ كَذَا. Il est dans la confusion et il patauge. Tantôt il dit cela, tantôt il dit autre chose, il dit ceci. Alors aujourd'hui, on a pris ces masaïl qui ont préféré le kufr sur l'iman, la mécréance sur la foi, qui mélange le vrai au faux pour pouvoir faire accepter le faux, qui cache la vérité tout en sachant, en la connaissant. Et al-qawl al-Allah bi al-ilm qui parle sur la science, et le tanaqud, la contradiction dans leurs paroles. Ils sont contradictoires dans leurs paroles. فبيد القد نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.